Parce qu'elle les aime. Oui, et moi aussi. Et vous aussi, je crois. Il y en a une surtout. Comment est-ce donc, je l'ai oublié. Oh, comment dit-elle donc? Je ne sais pas si je m'en souviendrai. Ah, oh, c'est cela. C'est charmant, divin. Et vous la jouez comme un ange. Ou pour mieux dire, comme une vraie valseuse. Est-ce aussi bien qu'elle, Henri? Qui, elle? Madame de Blainville. Vous y tenez, à ce qu'il paraît. Oh, pas beaucoup. Si j'étais homme, ce n'est pas elle qui me tournerait la tête. Et vous auriez raison, madame. Il ne faut jamais qu'un homme se laisse tourner la tête, ni par une femme, ni par une valse. Comptez-vous jouer ce soir, mon ami? Ma chère, quelle idée avez-vous? On joue, mais on ne compte pas jouer. Avez-vous de l'or dans vos poches? Peut-être bien, est-ce que vous en voulez? Moi, grand Dieu, que voulez-vous que j'en fasse? Pourquoi pas? Si j'ouvre votre porte trop vite, je n'ouvre pas du moins vos tiroirs, et c'est peut-être un double tort que j'ai. Vous mentez, monsieur. Il n'y a pas longtemps que je me suis aperçu que vous les aviez ouverts, et vous me laissez beaucoup trop riche. Non pas, ma chère, tant qu'il y aura des pauvres. Je sais quel usage vous faites de votre fortune, et je vous demande de me permettre de faire la charité par vos mains. Cher Henri, que tu es noble et beau. Dis-moi un peu, te souviens-tu d'un jour où tu avais une petite dette à payer et où tu te plaignais de n'avoir pas de bourse? Quand donc? Ah, c'est juste. Le fait est que quand on sort, c'est une chose insupportable de se fier à des poches qui ne tiennent à rien. Aimerais-tu une bourse rouge avec un filet noir? Non, je prends le rouge. Parbleu, tu me fais penser que j'ai justement là une bourse toute neuve d'hier. C'est un cadeau. Qu'en pensez-vous? Est-ce de bon goût? Voyons. Voulez-vous me la montrer? Tenez. Très jolie. De quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oh. La question est excellente. Non, je me trompe, je veux dire, qui est-ce qui vous l'a donnée? Ah, c'est trop plaisant sur mon honneur. Vos distractions sont adorables. Madame de Lille. Mais j'ai défendu ma porte en bas. Mais non, qu'elle entre. Pourquoi ne pas la recevoir? Eh bien, enfin, monsieur, cette bourse, peut-on savoir le nom de l'auteur? Venez, madame, venez, je vous en prie. On n'arrive pas plus à propos. Mathilde vient de me faire une étourderie qui, en vérité, vaut son pesant d'or. Figurez-vous que je lui montre cette bourse. Tiens, c'est assez gentil. Voyons donc. Je lui montre cette bourse, elle la regarde, la tâte, la retourne, et en me la rendant, savez-vous ce qu'elle me dit? Elle me demande de quelle couleur elle est. Eh bien, elle est bleue. Eh oui, elle est bleue, c'est bien certain. Et c'est précisément le plaisir de l'affaire. Imaginez-vous qu'on le demande. C'est parfait. Bonsoir, chère Mathilde. Venez-vous ce soir à l'ambassade? Non, je compte rester. Mais vous ne riez pas de mon histoire. Mais si. Et qui est-ce qui a fait cette bourse? Ah, je la reconnais, c'est Madame de Blainville. Comment, vraiment, vous ne bougez pas? À quoi la reconnaissez-vous, s'il vous plaît? À ce qu'elle est bleue, justement. Je l'ai vue traîner pendant des siècles. On a mis 7 ans à la faire. Et vous jugez si pendant ce temps-là, elle a changé de destination. Elle a appartenu en idée à 3 personnes de ma connaissance. Ah, c'est un trésor que vous avez là, monsieur de Chavigny. C'est un vrai héritage que vous avez fait. On dirait qu'il n'y a qu'une bourse au monde. Non, mais il n'y a qu'une bourse bleue. D'abord, moi, le bleu m'est odieux. Ça ne veut rien dire, c'est une couleur bête. Oh, je ne peux pas me tromper sur une chose pareille, il suffit que je l'ai vue une fois. Autant j'adore le lilas, autant je déteste le bleu. C'est la couleur de la constance. Bouh, c'est la couleur des perruquiers. Je ne viens qu'en passant, vous voyez, je suis en grand uniforme. Il faut arriver de bonne heure dans ce pays-là, c'est une cohue à se casser le cou. Et pourquoi donc n'y venez-vous pas? Je n'y manquerai pas pour un monde. Je n'y ai pas pensé, il est trop tard à présent. Laissez donc, vous avez tout le temps. Tenez, chère, je vais sonner. Demandez une robe. Nous mettrons monsieur de Chavigny à la porte, avec son petit meuble. Je vous coiffe, je vous pose 2 bras de fleurettes et je vous enlève dans ma voiture. Allons, voilà une affaire bâclée. Oh, pas pour ce soir, je reste décidément. Décidément? Est-ce un parti pris? Monsieur de Chavigny, amenez donc Mathilde. Je ne me mêle des affaires de personne. Oh oh, vous aimez le bleu à ce qu'il paraît. Eh bien, écoutez, savez-vous ce que je vais faire? Donnez-moi du thé, je vais rester ici. Vous êtes gentille, chère. Oh non, je ne veux pas priver ce bal de sa reine. Allez me faire un tour de valse et revenez à 11 heures si vous y pensez.